Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilnews, en Corée du Sud, 38 formations civiles et sociales, notamment les gens pour la paix et la réunification et la solidarité pour le progrès, ont tenu le 1er mars aux environs de l'ambassade américaine à Séoul une conférence de presse pour protester contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes Key Reserve et Aigle. D'autre part, selon le journal d'internet sud-coréen Minzok Ilbo, le Parti pour le bien-être a formé un groupe expéditionnaire aux États-Unis pour la paix et commencé le 1er mars la campagne expéditionnaire pour la paix contre la guerre aux États-Unis. Ce jour-là, pour commencer, le groupe a organisé un meeting avec les formations américaines pour la paix contre la guerre devant la Maison-Blanche.